بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer maintenant le cours numéro 26 dans l'explication du livre de Cheikh. C'est en fait le livre de l'imam al-Sabouni, rahimahullah, Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, avec le charh de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. On est dans le chapitre au sujet de Istiwa Allah ala Arshihi, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône. Et on est en train d'expliquer ou de lire certaines des paroles des salafs sur ce sujet-là. Parce que déjà, on a montré les preuves dans le Coran sur Al-Istiwa. Et on a mentionné les versets dans le Coran à ce sujet-là. Après, on a lu les hadiths, des hadiths qui parlent de ça. Et on a lu également les paroles des salafs. Et là, c'est ça qu'on est en train d'expliquer, en fait. Que les imams des salafs, ils ont tous affirmé l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala de Al-Istiwa. Et il n'y en a aucun d'entre ces imams des salafs qui a déformé le sens de Al-Istiwa pour dire que ça voulait dire quelque chose d'autre ou que ça ne veut pas dire que Allah est sur son trône. D'accord? Donc, si les imams des salafs sont tous d'accord et qu'ils ont tous été sur ce point-là unis sur la question, alors quelqu'un n'a pas le droit de venir après pour déformer la chose ou interpréter les choses d'une autre façon. Malheureusement, c'est ça ce qu'on voit de la part des gens de Bid'a, que ce soit les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiya, les gens de Kalam, ils déforment cet attribut-là. Hein, de même que les Khawarij et les Ibadiyya, et d'autres également parmi les sectes qui ont dévié sur ce sujet. Donc l'imam al-Sabouni, il dit « وَسَمِعْتُ الْحَاكِمْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ فِي كِتَابِهِ التَّارِيخِ الَّذِي جَمَعَهُ لِأَهْلِ نَيْسَابُورِ وَفِي كِتَابِهِ مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الَّذَيْنِ جَمَعَهُمَا وَلَمْ يُسْبَقْ إِلَى مِثْلِهِمَا يَقُولْ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرْ محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول ويقول من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون والمعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم كافر الكافر ولا الكافر المسلم رواه البخاري ومسلم. وهذا موقف الإمام ابن خزيمة ممن ينكر علو الله ممن ينكر علو الله تعالى تبارك وتعالى واستواءه على عرشه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وكثير من أئمة السلف على هذا القول الذي قاله ابن خزيمة رحمه الله. Donc ici, le cheikh, l'imam al-Sabouni, il mentionne cette parole de l'imam ibn Khuzayma. L'imam ibn Khuzayma, c'est un des grands imams de la sunna. Et on l'appelle même cheikh l'islam de son époque. C'était le cheikh l'islam de son époque. Un grand imam, un grand alim hein, de la sunna et de l'islam et du hadith. Donc l'imam al-Sabouni, il rapporte cette parole de l'imam ibn Khuzayma avec la chaîne de transmission, et il dit que l'imam Ibn Khuzayma a dit, celui qui n'affirme pas, qui ne déclare pas que Allah Azza wa Jal est sur son trône et qu'il s'est élevé au-dessus des sept cieux, alors il a renié la foi en son Seigneur, son sang est licite, on doit l'appeler à se repentir. S'il se repent, alhamdoulillah, sinon il sera exécuté. Il sera exécuté par un coup d'épée dans son cou. Hein? Et bien entendu, qui est-ce qui va faire cette exécution-là? C'est les autorités. Hein? Il va être jugé devant un tribunal. Et s'il refuse de se repentir et qu'on établit les preuves contre lui, eh bien, par la suite, il sera exécuté par les autorités de ce pays-là, parmi les pays musulmans. Ça, c'est le jugement de la charia à propos de l'apostat. Hein? Et celui qui nie le fait que Allah s'est élevé sur son trône, après qu'on ait établi les preuves sur lui, et qui persiste à refuser de l'affirmer, après qu'on lui ait montré les preuves, alors il n'y a pas de doute que c'est un apostat. Hein? Donc l'imam Ibn Khuzaymah, il dit que celui qui ne déclare pas que Allah est sur son trône et qu'il s'est élevé au-dessus des sept cieux, alors c'est un kafir, il a renié la foi en son Seigneur, son sang est licite, il doit être appelé à la repentance, et sinon il sera exécuté. Hein? On va lui frapper son cou d'un coup d'épée. Il dit, et on va jeter sa dépouille dans les poubelles. Hein, dans les poubelles. Fil mazabil. Mazabil, c'est le pluriel du mot masbala. Yani azubala, c'est les poubelles. Hein, les dépotoirs, les endroits où on jette les déchets. Il dit, on va jeter sa dépouille dans les déchets, dans les poubelles, pour pas que les musulmans soient dérangé par la puanteur de sa dépouille. Hein? Et ni les non-musulmans qui vivent parmi les musulmans, al-mu'ahadoun, ceux parmi les koufars qui ont une entente de paix avec les musulmans et qui vivent parmi les musulmans, ils ne vont pas être dérangés par la puanteur de son corps qui se décompose. Il dit tant que, parce qu'il n'est pas enterré dans le cimetière des musulmans, puisque c'est un apostat. L'apostat, il n'est pas enterré parmi les musulmans et on ne fait pas la janaza sur lui. Hein? Donc son corps, il est jeté. On se débarrasse de sa dépouille. Et il dit, et ses biens seront un butin pour les musulmans. C'est-à-dire que personne d'entre les musulmans n'aura le droit d'hériter de lui et lui ne pourrait pas non plus hériter des musulmans puisqu'il est kafir. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, que le musulman n'hérite pas du kafir et le kafir n'hérite pas du musulman. D'accord? Donc ça, c'est parmi les mawani', al-irf, parmi les empêchements pour l'héritage, c'est la divergence de religion. Hein? Et donc le murtad ou le kafir, on ne peut pas hériter de lui et il ne peut pas hériter du musulman. Et le Cheikh Rabi' Hafizahullah, il explique cette parole. On voit que cette parole, elle est vraiment hein, tranchante. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. La position des salafs sur celui qui nie les attributs d'Allah, elle est claire. Et c'est des paroles, des exemples de paroles comme cette parole-là qui vient yani, réfuter complètement tout ce que les gens de Bid'a peuvent essayer de prétendre à ce sujet-là. Donc, Cheikh Rabi', il dit la position de l'imam Ibn Khuzaymah à propos de celui qui nie l'élévation d'Allah et le fait qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, eh bien, c'est qu'il doit être appelé à la repentance, yustatab. Et s'il ne se repent pas, eh bien, à ce moment-là, il sera exécuté en tant qu'apostat, comme ayant renié la foi. Et il dit, ça, c'est la parole de plusieurs parmi les imams des salafs. Ils ont dit cette même parole que celle de l'imam Ibn Khuzaymah. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement Ibn Khuzaymah qui a dit ça. Hein? Il rejoint la parole de plusieurs imams parmi les salafs qui ont dit la même chose que lui. Si ton père n'est pas musulman, tu ne peux pas hériter de lui. Et si par exemple, toi tu meurs, lui ne peut pas hériter de toi s'il n'est pas musulman. D'accord? Ensuite, le cheikh, il dit, wa ahlus sunnati. T'avais une question? Non? Vas-y. Wa ahlus sunnati la yazaluna yashtarituna iqamata al-hujja alladhi yunkiru 'uluwa Allah wa sifatihi. Hadha kafara billahi la shak. Li anna ta'til hadhihi as-sifat takdhibun li kitabillahi wa li sunnati ar-rasul alayhi as-salatu was-salam. Walakin hadha al-mu'attil هل يكون مكذب فعلا أم عنده شبهات؟ أما الجهمية الأولى فالظاهر أنهم كانوا متعمدين وعلى بصيرة من أمرهم أنهم يردون نصوص الكتاب والسنة. أما المتأخرون فوجد فيهم كثير ممن يحترم الكتاب والسنة ويحبون أئمة السلف، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فيهم لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فعقائدهم هذه كفرية لا شك، لكن لا نكفرهم حتى تقام عليهم الحجة. فإذا أقيمت عليهم الحجة وأصروا على عقائدهم يكفرون، وإذا كان هناك من يقيم عليهم حد الردة فيقتله لا شك. فإن المبتدع خاصة الداعية المعاند إذا أمكن قتله وكف شره وفساده عن الإسلام والمسلمين، فإنه يجب على ولاة الأمور أن يقوموا بذلك، لأن هذا من مسؤوليتهم. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فولاة الأمور مسؤولون عن دين الله ومسؤولون عن رعاياهم، يحافظون على عقائدهم ودياناتهم وثغورهم وحقوقهم، ويردون على أهل الفتن ويقاتلون الكفار. هذه من مسؤوليات ولاة الأمور أو ولاة أمور المسلمين إذا قدروا على القيام بذلك. Donc ici le cheikh il explique que en ce qui concerne les Jahmiyyah, les premiers parmi les Jahmiyyah, ceux qui sont apparus, ceux qui nient les noms et les attributs, ceux-là, le cheikh il dit là, qu'est-ce qui est apparent d'eux, c'est qu'ils faisaient exprès. Ils étaient en train d'opposer de renier les attributs d'Allah et les noms d'Allah volontairement et intentionnellement, avec connaissance. Donc ils rejetaient les textes du Coran et de la Sunna. C'est pour ça que yani, les ulama de l'époque, ils les considéraient des hérétiques et des kuffars. Il dit, tandis que ceux qui sont venus plus tard, par la suite, comme les Mu'tazila, les Asha'ira, il dit, ceux-là, il dit, il y en a parmi eux, beaucoup d'entre eux qui respectent le Coran et la Sunna, et qui aiment les imams des salafs. Mais à cause de l'ignorance qu'ils ont, et le peu de connaissance des narrations qui ont été rapportées au sujet des sujets comme ça, de la part des salafs et de la part des imams, alors on voit que les ulama, ils ne les ont pas déclarés kuffar directement. C'est-à-dire, ils ne les déclarent pas kuffar pour ça, jusqu'à ce qu'on leur ait clarifié ce qui a été rapporté de la part du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qu'ils ont contredites. Et ça, c'est ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit à ce sujet-là. Il dit parce que il n'y a pas de doute que leurs croyances en elles-mêmes, ce sont des croyances qui sont kufr, qui sont des croyances qui sont contraires à la foi. Donc, c'est des croyances qui sont kufr. Ça fait un peu bizarre en français de dire ça, des croyances de kufr. Parce que la croyance... C'est en principe le contraire de du kufr. Sauf qu'une croyance n'est pas nécessairement une bonne croyance ou une vraie croyance. Quelqu'un peut avoir une croyance, mais cette croyance-là est contraire à la foi. Donc, ça revient au kufr en réalité. Même si on l'appelle croyance, ça ne veut pas dire que c'est de la foi. Ça, c'est important de comprendre aussi. Donc, عقائدهم هذه كفرية. Ce sont des convictions qu'ils ont, qui sont des convictions basées sur le kufr. Il n'y a pas de doute. Mais on ne va pas les déclarer kuffar tant qu'on n'a pas établi contre eux la preuve. Une fois qu'on a établi contre eux la preuve et qu'ils persistent sur leurs fausses convictions et leurs fausses croyances, alors à ce moment-là, ils vont être déclarés mécréants. Il dit, et si il y a donc quelqu'un pour établir, comme par exemple un dirigeant qui établira la preuve, qui va faire établir la preuve sur cette personne, et qu'il peut également appliquer la peine d'apostasie sur cette personne-là, à ce moment-là, il va être exécuté, il n'y a pas de doute. Il dit, et les innovateurs, l'innovateur en particulier, celui qui appelle à sa bid'a et qui invite les autres à sa bid'a, lorsque cela est possible, c'est-à-dire lorsqu'il est possible de l'exécuter pour faire en sorte que son mal ne se propage pas et que les musulmans soient protégés contre sa corruption, hein, et que l'islam et les musulmans soient protégés de son mal, alors à ce moment-là, il est obligatoire pour les responsables et les dirigeants musulmans de faire établir cette peine-là sur cette personne. Parce que cela fait partie de leur responsabilité en tant que dirigeants musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Omar, dans lequel il dit, chacun d'entre vous est un berger, et chaque berger est responsable de son troupeau. Alors les dirigeants musulmans sont responsables vis-à-vis de la religion d'Allah, en ce qui concerne donc les musulmans en général, ils sont responsables d'eux. Comme le berger est responsable de son troupeau, eux sont responsables de leur peuple et de leur population musulmane. Et donc, ils ont comme devoir et responsabilité de protéger la croyance de leur population musulmane et de veiller à leur bonne pratique de la religion et de protéger les frontières des pays musulmans et de garder les droits de leur population aussi. Et de réfuter et de repousser les gens qui font des fitanes, qui font du désordre et des troubles. Hein? Et de combattre les koufars également. Donc s'il y a des koufars qui veulent envahir les musulmans ou faire du tort aux musulmans, ils ont le devoir de les repousser et de les combattre. Et il dit, et cela fait partie des responsabilités des dirigeants vis-à-vis des affaires qui concernent les musulmans lorsqu'ils ont la capacité d'appliquer ces choses-là. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc le dirigeant musulman, il va regarder son rôle en tant que dirigeant, non pas selon ce que les koufars, eux, ont établi comme principe par rapport à la gouvernance de leur peuple, mais ils vont se baser sur les principes de la charia et sur l'islam pour savoir comment diriger leur peuple et quels sont les devoirs qu'ils ont envers leur peuple et quels sont le droit de leur peuple et quels droits ils ont sur leur peuple aussi. Même la population, le peuple, doivent savoir que les dirigeants ont un droit sur eux. Et ils doivent connaître les droits que leurs dirigeants ont sur eux aussi. Mais à notre époque, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que les populations musulmanes ne connaissent pas les droits que leurs dirigeants ont sur eux. Et ils ne connaissent pas leurs devoirs envers leurs dirigeants. Et les dirigeants aussi, de leur côté, connaissent pas leur responsabilité et les droits de leur population selon la charia et ils ne connaissent pas non plus leurs obligations et leurs responsabilités. Ce qui fait que il y a des fois des problèmes de compréhension, des problèmes de compréhension entre les dirigeants et leur population. Parce que certains, ils se basent sur les lois des koufars et sur les idéologies des koufars, de la liberté, des droits de l'homme et des trucs de démocratie. Et ils exigent que leurs dirigeants appliquent ces règles-là sur eux, alors qu'ils sont musulmans. Et Il y en a d'autres parmi les dirigeants, ils font la même chose, dans le sens inverse. Et il y en a d'autres, justement, qui comprennent que non, on n'est pas des koufars, on est des musulmans, donc il faut juger qu'on soit des dirigeants ou qu'on soit des membres de la population d'un peuple musulman ou d'un pays musulman. Notre devoir, c'est de ramener nos problèmes et nos divergences au livre d'Allah et à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de ramener également notre conception de la gouvernance et de la politique et de la façon dont on doit juger, ramener tout ça au Coran et à la sunna, et non pas au principe des koufars et à ce que les Nations Unies ont inventé comme règle à notre époque. Si ce que les Nations Unies ont inventé est en accord avec le Coran et la sunna, on peut l'utiliser, parce que c'est en accord avec le Coran et la sunna. Mais si ce que les Nations Unies ont ramené comme principe contredit le Coran et la sunna, alors dans ce cas-là, on laisse ça de côté, puis on suit ce que Allah nous a ordonné. Parce que c'est qu'est-ce qui vient d'Allah. Parce que les Nations Unies, ce n'est pas une entité qui est au-dessus du Coran et de la sunna, au-dessus des principes de la charia d'Allah. Non, il n'y a rien au monde qui peut être au-dessus du Coran et de la sunna, peu importe que ce soit la loi d'un pays ou la loi d'une organisation mondiale ou d'un système ou de quoi que ce soit d'autre. Il n'y a rien qui peut être au-dessus de la parole d'Allah et de la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est très important pour nous les musulmans de comprendre ce principe-là. Malheureusement, beaucoup d'ignorants ils n'ont pas compris ça. Le cheikh, il dit, « Wa imamuna, Abu Abdullah, Muhammad ibn Idris, al-Shafi'i, radiyallahu anhu, fi kitabihi al-Mabsout, fi mas'alati i'taq al-raqaba al-mu'mina, fi al-kaffara, wa in la yasihu al-takfiru biha li khabari Muawiyah, ابن الحكم لخبر معاوية ابن الحكم أنه أراد أن يعتق الجارية أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من أنا فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله أنك رسول الله الذي في نعم أنك رسول الله الذي في السماء قال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة ويأتي هنا كلام الإمام الشافعي هذا يعني الشيخ ربيع يقول ويأتي هنا بكلام الإمام الشافعي رحمه الله فقال رحمه الله وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه في كتابه المبسوط يقصد به الواسع الموسع يعني الأم لأن له مؤلفات أوسعها كتاب الأم وهذا النص أيضا موجود في الرسالة في رسالة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وإن يعني هناك كلام سقط هنا ولا أدري فلعله يعني لعله وإن أو أن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها لخبر معاوية ابن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أنا فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي في السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. Ok, donc ici le cheikh l'imam Sabouni, il cite les paroles de l'imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah, dans son livre Al-Mabsout. Il dit, « Fi mas'alati i'taq al-raqaba », c'est-à-dire dans la question qui a rapport avec le fait de libérer ou d'émanciper un esclave croyant ou une esclave croyante à cause d'une expiation, pour expier un péché. Il dit parce que Yanni, de libérer un esclave qui n'est pas croyant ou une esclave qui n'est pas croyante, ce n'est pas acceptable par rapport à l'expiation des péchés. C'est-à-dire que si tu veux expier un péché que tu as fait en libérant un esclave, il faut que ce soit un esclave croyant. Parce que si l'esclave en question n'est pas croyant, ça ne va pas être accepté comme expiation de tes péchés. Et il explique ici que Muawiyah ibn al-Hakam, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était venu voir justement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos d'une esclave qu'il avait. Parce qu'il avait frappé et il avait des remords de l'avoir frappé, alors il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour savoir s'il pouvait la libérer. Il y en a comme expiation pour ce péché-là qu'il a fait. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a testé pour voir est-ce qu'elle était croyante. Alors, il lui a dit, « Qui suis-je ?» Alors, elle a pointé vers lui et vers le ciel, en voulant dire, « C'est le messager d'Allah. Tu es le messager d'Allah, hein, celui qui est dans les cieux. » Allah, celui qui est dans les cieux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Yani, libère-la, c'est une croyante. » Et le cheikh Rabi, il dit que ça, c'est la parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Et il dit donc, l'imam Abu al-Sabun, il dit, notre imam, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, dans son livre Al-Mabsout, qu'est-ce qu'il veut dire par Al-Mabsout? C'est-à-dire Al-Wasi', Al-Muwassi', c'est-à-dire le livre qui est large, qui est vaste. Et ça, c'est son livre qu'on appelle Al-Umm. Et il dit que c'est son livre le plus vaste, le plus grand qu'il a écrit. Et ce texte-là, il est également mentionné dans son livre qui s'appelle Ar-Risala, le Risala de l'imam Shafi'i. Et dedans, il y a la question au sujet de libérer un esclave ou d'émanciper un esclave croyant pour une expiation d'un péché. Et ça, c'est le sujet qui a été mentionné dans ce point-là. Et il y a un espace qui est manquante, ou il y a une phrase qui est manquante dans cette citation-là. Et le cheikh dit c'est probablement le fait que l'esclave non-croyant, il n'est pas valide comme expiation d'un péché, si on le libère. Et il mentionne justement l'histoire de Muawiyah ibn al-Hakam, yani, qui avait frappé cet esclave, et il mentionne l'histoire encore une fois. Le cheikh dit, فالإمام الشافعي وجمهور العلماء على أن الرقبة في كفارة القتل الخطأ لا بد أن تكون مؤمنة وهذا منصوص في كفارة القتل الخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة يعني في كفارة القتل الخطأ جاء النص مصرحا بأنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة وفي كفارة اليمين وكفارة الظهار جاءت الرقبة مطلقة فتحرير رقبة ليست موصوفة ولا مقيدة بقوله مؤمنة فالشافعي وأئمة الإسلام حملوا المطلق على المقيد وقالوا لا بد في كفارة اليمين والظهار من أن تكون الرقبة المحررة مؤمنة ولا يصح عتق الرقبة الكافرة والرقبة يعني العبد المملوك سواء ذكرا كان أو أنثى فلا يصح عندهم عتق الرقبة الكافرة كفارة عن اليمين وعن الظهار حملا للمطلق على المقيد النص في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار مطلق وفي كفارة القتل الخطأ مقيد بالإيمان فتحمل النصوص المطلقة على هذا النص المقيد. Donc ici le cheikh il explique que la parole de l'imam al-Shafi'i, de même que la majorité des ulama à ce sujet-là, c'est-à-dire au sujet de l'émancipation de l'esclave, dans le but d'expier une erreur ou un péché. Et il mentionne ici l'exemple de celui qui a tué quelqu'un et c'est un meurtre qui est fait, comme on dit, quelqu'un qui a tué quelqu'un, mais sans que ce soit intentionnel, hein? C'est-à-dire quelqu'un qui a, un homicide involontaire, on appelle, en français on dit un homicide involontaire, c'est-à-dire quelqu'un sans faire exprès, il a fait un accident, il a tué quelqu'un par accident ou par erreur. Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 92 dans sourate An-Nisa, il exige que un esclave croyant soit libéré. Hein? Il exige qu'un esclave croyant soit libéré lorsqu'un croyant a tué un autre croyant par accident ou par erreur. Donc, il dit dans le verset « Fatahriru raqabatin mu'mina » c'est-à-dire de libérer un joug croyant, c'est-à-dire un esclave qui est croyant. Et il dit, donc ça c'est en ce qui concerne l'expiation qui doit être faite pour avoir tué quelqu'un involontairement, comme c'est mentionné dans les textes de façon explicite, qu'il faut que ce soit un esclave croyant. Il dit, tandis que dans l'expiation pour un serment qu'on a fait et qu'on n'a pas respecté, ou dans le cas de quelqu'un qui a prononcé al-zihar, al-zihar, c'est les formes de divorce que les gens faisaient dans la jahiliya lorsqu'ils étaient dérangés, lorsqu'ils voulaient séparer de leur femme. Ils disaient à leur femme, tu es comme le dos de ma mère. Ils disaient ça à leur femme. Tu es comme le dos de ma mère. Ils appellent ça al-zihar. Et il y a un verset qui a été révélé dans le Coran, une surah qui s'appelle surah al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Donc pour expier ce péché là d'avoir fait al-zihar, parce que c'est interdit. Donc si quelqu'un le fait parmi les musulmans pour se faire pardonner et pour expier ce péché-là, il doit libérer un esclave. Sauf que dans ce verset, de la même manière que pour celui qui fait un serment qu'il n'a pas respecté, Allah dit qu'une des façons pour se faire expier ou pour se faire pardonner, c'est de libérer un esclave. Mais ce n'est pas mentionné, est-ce que ça doit être un esclave croyant ou non? Donc pour la question de l'homicide involontaire, le texte du verset, il est explicite que ça doit être un esclave croyant. C'est pour ça que l'imam al-Shafi'i et de même que la majorité des ulama ont spécifié qu'il faut que ce soit un esclave croyant qui doit être libéré dans ce cas-là. En ce qui concerne l'adhihar et le serment, l'yamin, il n'y a pas de spécification. Est-ce qu'il faut que ce soit un esclave? Ça dit seulement « fatahriru raqaba » sans spécifier que ce soit un esclave croyant ou non. Alors les ulama comme l'imam al-Shafi'i et d'autres imams de l'islam ont pris le texte qui est spécifique au sujet de l'homicide involontaire et l'ont appliqué aux autres cas qui ne sont pas spécifiques. Et ils ont pris le verset qui est spécifique comme étant la règle générale, en voulant dire que même dans les cas où il n'y a pas la mention du fait que l'esclave doit être croyant ou non, on considère que ça doit être un esclave croyant aussi. D'accord? Parce qu'il se base sur qu'est-ce qui est général. Il se base sur ce qui est spécifique et il l'applique à ce qui est général. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle yani haml al-mutlaq ala al-muqayyad. Donc ça c'est dans les ulama, ils ont ces principes-là dans la façon dont ils interprètent les textes et comment ils comprennent les différentes questions. Ensuite, le cheikh il dit que le texte, donc, au sujet de du serment qui n'a pas été respecté, ou bien de l'expiation pour al-zihar, donc on a dit c'est mutlaq, parce qu'il n'y a pas de mention de l'esclave croyant ou non, tandis que pour l'homicide involontaire, il y a la mention que ça doit être un esclave croyant. Donc, ils prennent les textes qui sont général et ils le ramènent au verset qui est spécifique pour le limiter et pour le restreindre. Il dit وَمِمَّا يُؤَيِّدُ هَذَا الْمَذْهَبُ فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنُ الْحَكَمِ قَالَ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَانِيَةِ يعني فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمنا وأنا رجل من بني آدم يعني آسف كما يأسفون ولكن صككتها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتيني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة يعني لعظم هذه الصفة وكون الله في السماء سأل هذه الجارية هذا السؤال العظيم هذا يسمى الإيمان الظاهر فأخذ المرجئة من هذا النص أن الإيمان قول فقط والجارية هنا لا أحد يعرف عقيدتها لم تظهر شيئا من العمل إلى حين سؤالها والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بناء على هذا القول بأنها مؤمنة ولكن هل حكم لها بالإيمان الكامل؟ الجواب لا وإنما حكم لها بالإيمان الظاهر الذي تبنى عليه الأحكام أو تبنى عليه الأحكام الظاهرة فالمرجئة مما احتجوا به على أن الإيمان هو القول فقط هذا الحديث وهذا ضلال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ليس مجرد القول وليس مجرد التصديق بعضهم يضم إلى القول التصديق ومع ذلك هم مرجئة Donc on va expliquer jusqu'ici. Le Cheikh il explique et il dit parmi les choses qui supportent cette position de l'imam al-Shafi'i sur le fait de prendre ce qui est général et de le ramener à ce qui est restreint, ce hadith également qui est rapporté par l'imam Muslim et également par l'imam Ahmad. Et c'est une autre narration par rapport à celle de ce que l'imam al-Shafi'i a rapporté à ce sujet-là. Et cette narration, c'est la suivante. Il dit que Muawiyah ibn al-Hakam, il raconte qu'il avait une esclave, une jeune fille, qui s'occupait de ses moutons. Et il l'envoyait elle allait vers Uhud pour faire pâtre son troupeau. Et un jour, il a remarqué qu'un loup était parti, ou un renard était parti avec un de ses moutons. Alors, il dit, je suis un être humain comme les êtres humains, je peux me fâcher, je fais des erreurs. Donc, il dit, quand j'ai vu que elle est partie avec, le loup était parti avec un mouton, ou le renard était parti avec un des moutons, c'est le loup, c'est ça, j'ai oublié. Ok, donc, Al-Dhib, il est parti avec le mouton. Alors, il dit, j'étais tellement fâché, je l'ai frappé. Il dit, quand je l'ai frappé, je me suis senti mal. Alors, je suis allé voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai demandé, qu'est-ce que je fais? Je l'ai frappé, qu'est-ce que je dois faire? Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé que qu'est-ce qu'il avait fait, c'était grave. Et il a dit, amène-la-moi. Parce que Mouawiyah, il a dit, est-ce que je dois la libérer? Il a dit, amène-la-moi. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, amène-la-moi. Alors, il l'a amené. Et il lui a posé la question, Ain Allah? Où est Allah? Elle a répondu, Qalat fi sama, c'est-à-dire dans les cieux. Allah, subhanahu wa ta'ala, il est dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus de nous, au-dessus de la création. Et après, il a dit, قال, من أنا, qui suis-je? Elle a dit, أنت رسول الله, tu es le messager d'Allah. Alors, le messager d'Allah a dit, libère-la car elle est croyante. Libère-la car elle est croyante. Donc ça, c'est la preuve de, un, qu'on peut poser la question, أين الله? Où est Allah? Et c'est la preuve également que Allah subhanahu wa ta'ala, elle a répondu dans les cieux, puis il a dit qu'elle était une croyante. C'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création et il est dans les cieux. Et non pas, hein, comme les Jahmiya le disent, qu'il est partout. Les Jahmiya, eux, disent non, Dieu est partout, non. A'udhu billah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône. Hein, fils Sama. Donc ici, le cheikh, il dit que ça, c'est ce qu'on appelle la foi générale, la foi apparente. Hein, ce qui est apparent de la foi de quelqu'un. Il dit parce que les Murji'a, eux, ils ont utilisé ce hadith-là pour essayer de justifier leur bid'a, de prétendre que la foi, c'est seulement ce qui est dans le cœur ou ce que tu dis avec la parole. Et l'esclave en question, ici, on ne connaît pas sa aqida, hein, sauf qu'est-ce qui est apparent. Et il dit ici, on n'a pas vu aucune action de sa part, hein, lorsque le prophète Sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question. Et donc, en se basant sur cette réponse que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a donnée, il a dit, elle est croyante. Ok, d'accord, elle est croyante. Mais est-ce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle est d'une foi complète? Est-ce que sa croyance, elle est parfaite? Non, il n'a pas dit ça. Il a seulement dit, hiya mu'mina, elle est croyante. Est-ce que ça veut dire qu'elle est kamil, l'iman al-kamil, c'est-à-dire l'imam, la foi parfaite ou la foi complète? Non, il n'a pas spécifié. Il dit, il a seulement jugé qu'en apparence, elle est croyante et qu'on peut baser sur ça les règles qui sont apparentes de la personne qui, en voulant dire qu'elle appartient aux musulmans, qu'elle fait partie de l'islam, hein, sans savoir si elle est nécessairement une croyante. Est-ce qu'elle a une foi complète ou parfaite? Allahu a'lam. Si tu vois quelqu'un dans la rue, tu lui dis, est-ce que tu crois en la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Il te dit oui. Tu dis, ah, ça c'est un mu'min. Est-ce que ça veut dire qu'il est mu'min kamil al-iman? Non. Mais c'est l'iman al-zahir, ce qui est apparent. Hein? Et le cheikh, il dit, mais par contre, les murji'a, ils ont utilisé ce hadith pour essayer de dire que c'est seulement la parole qui est suffisante pour être croyant. Et il se base sur ce hadith-là, il dit ça c'est de l'égarement. Il dit parce que la réalité de la foi, c'est que la foi c'est une parole, une action et une croyance. Elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec les péchés. Et donc c'est pas seulement une parole que tu dis avec ta langue, et c'est pas non plus seulement une reconnaissance de la vérité dans ton cœur, hein, parce que certains ils rajoutent avec le fait de reconnaître la vérité dans notre cœur, il rajoute avec ça, hein, yani al-qawl, et ils disent que c'est la parole, la foi, c'est la parole avec le fait de reconnaître que l'islam c'est la vérité dans ton cœur. Et le cheikh il dit ça, c'est des murji'a, parce qu'ils n'ont pas ajouté les actions dans la définition de la foi. Et celui qui exclut les actions dans la définition de la foi, ce sont des murji'a. Ce ne sont pas des gens d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Le cheikh il dit ensuite, وَمِنْ ضَعْفِ عَقِدَتِهِمْ وَمَنْهَجِهِمْ يَتَعَلَّقُونَ بِخُيُوتِ الْعَنْكَبُوتِ كَمَا يُقَالْ فَيَتَعَلَّقُ بِأَيِّ شَيْءٍ يَرَى أَنَّهُ حُجَّةٍ يعني أي شيء يرى أنه حجة له على تصحيح مذهبه ولكن أول الفقه والنهى والعلم نعم ولكن أولو الفقه والنهى والعلم الذين فقهوا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوهم وقالوا هذا ضلال والاستدلال بهذا ليس بصحيح ولا يصح استدلالكم بهذه القصة يعني بموقف الجارية وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم منها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مؤمنة أي إيمان؟ هل الإيمان الكامل؟ الجواب لا. وإنما الإيمان الإيمان الظاهر الذي تبنى عليه الأحكام. Donc le Cheikh il dit, parmi les exemples de la faiblesse de leur croyance, c'est-à-dire les Murji'a, et de leur méthodologie qui est faible également, le fait qu'ils s'accrochent aux toiles d'araignée pour essayer de justifier leur position. Et il dit donc qu'ils s'accrochent à n'importe quoi qu'ils peuvent penser être une preuve ou un argument en leur faveur pour essayer de justifier leur position. Et tandis que les ulama, ceux qui détiennent la compréhension et l'intelligence et la science, et qui ont compris le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils les ont déclarés mubtadi'a, ces gens-là. Et ils ont dit, ça c'est de l'égarement ce que vous dites. Parce que l'argument d'utiliser ce hadith-là, de cette façon, c'est pas acceptable, c'est pas correct. Et cette histoire, elle n'est pas un argument pour justifier votre position, hein, en utilisant la position de la... De l'esclave ou bien la réponse du messager sallallahu alayhi wa sallam par rapport à elle. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle est croyante, mais de quelle foi on parle ici? Est-ce que c'est la foi qui est complète et parfaite? La réponse c'est non. Hein? Il parle uniquement de la foi qui est apparente, sur laquelle on établit les règles de la religion, hein? Et on établit la règle que quelqu'un est musulman. Et il cite en note de bas de page ici une référence de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa au sujet de cette question. Il dit قُلْتُ أَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِقَوْلِهِ لِلْأَمَا اِعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةَ فَهُوَ اِعْتِقَاد فَهُوَ مِنْ حُجَجِهِمُ الْمَشْهُورَةِ وَبِهِ احْتَجَّ بِهِ ابْنُ الْكُلَّابِ وَكَانَ يَقُولُ الْإِيمَانُ هُوَ التَّصْدِيقُ وَالْقَوْلُ جَمِيعًا فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه وهذا لا حجة فيه لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. Donc il dit que les murji'a, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit que les murji'a ils utilisent souvent, alaykoum salam wa rahmatullah, les murji'a ils utilisent souvent ce hadith-là comme argument pour essayer de justifier leur secte et leurs fausses croyances. Ils disent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'esclave, à Muawiyah, libère-la car c'est une croyante, ils utilisent ça et ça fait partie de leurs arguments célèbres. Et même que Ibn Kulab, un des gens de Kalam, celui que Al-Ash'ari avait suivi après avoir quitté les Mu'tazila au tout début, hein, Ibn Kulab, il a pris cet argument-là au sujet de la foi. Parce que les Asha'ira, les Asha'ira al-Kullabiyya, ce sont des Murji'a aussi dans la foi. Donc, il a utilisé cet argument-là, puis il a dit que la foi, c'est al-Tasdiq wal-Qawl jami'an. C'est-à-dire, al-Tasdiq, tu déclares ou tu crois en toi-même que l'islam, c'est la vérité, et tu le dis avec la bouche. Mais les actions, ce n'est pas dans la foi. Ça, c'est les Murji'a, hein, Al-Kullabiyya. Et ceux-là, yani leur position, elle est contraire à la position du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs. Donc, il dit, c'est clair qu'ils sont plus proches que Jahm ibn Safwan et ceux qui l'ont suivi. Pourquoi? Parce que Jahm ibn Safwan, sa position dans la foi, c'est la plus extrême de toutes les sectes de Murji'a. Parce que les Murji'a ne sont pas un seul groupe, sont plusieurs. Et les plus extrémistes parmi les Murji'a, ce sont les Jahmiya. Les Jahmiya, ils disent que Al-Iman huwa al-Ma'rifa. Ils disent que la foi, c'est la connaissance, connaître Allah. Si tu connais Allah, tu es mu'min. C'est pour ça qu'ils considèrent Pharaon comme étant mu'min. Et ils considèrent Iblis comme étant mu'min. Il connaissait Allah, donc il est mu'min. A'ouzou billah. Donc ça c'est dalal, il n'y a pas de doute, hein? Et ils sont donc, Ibn Taymiyyah a dit, donc c'est sûr que ces murji'a sont plus proches de la vérité que ceux qui ont suivi la position de Jahm ibn Safwan. Toutefois, il n'y a pas d'argument pour eux dans ce hadith là car il s'agit de la foi apparente sur laquelle se basent les règles, hein, de l'islam à propos de la dunya, qui n'implique pas nécessairement la foi intérieure. C'est-à-dire que quand tu appliques, quand tu vois quelqu'un qui pratique l'islam extérieurement et qui déclare la foi en l'islam extérieurement, ça ne veut pas dire que la personne est nécessairement un vrai croyant. Dans le sens que peut-être que c'est un munafiq. Hein? Mais c'est suffisant pour établir le jugement apparent de l'islam dans la dunya. D'accord? Et les musulmans, dans les règles de l'islam, ils jugent les gens selon ce qui est apparent et non pas ce qui est caché. Et la réalité de la personne, dans son cœur, c'est Allah qui la connaît seulement. Donc, il a dit, ça c'est l'islam qui est apparent, celui sur lequel on se base pour établir les règles du fait que quelqu'un est musulman dans la dunya, mais qui n'implique pas nécessairement la foi intérieure de la personne. Hein? Celui qui a la vraie foi dans son cœur, qui sera parmi les gens qui auront le bonheur dans l'au-delà, ça c'est les mu'minin haqqan, ceux qui ont la foi hein, réellement. Et il dit, « والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة وإلا فقد ثبت عنه أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال أو مسلم يعني وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب. Donc il dit le cheikh ici que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire à propos de cette fille esclave qu'elle était croyante, il dit c'est la foi apparente, celui sur lequel s'accrochent les règles apparentes de l'islam. Mais sinon, une fois Saad, je ne sais pas si c'est Saad ibn Ubada ou un autre parmi les sahaba qui s'appelle Saad, parce qu'il y a Saad ibn Mu'adh et Saad ibn Ubada, à la kulli hal, il a vu un homme passer, il a dit, lui, c'est un mu'min. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ou un muslim. D'accord? Donc Saad, il a dit, en le voyant, ça, c'est un croyant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ou bien un musulman. Pourquoi? Parce que... Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça dit que le muslim, c'est quelqu'un qui montre l'islam, qui en apparence, tu le vois, tu dis ça c'est un musulman. Mais on ne sait pas est-ce que dans son cœur il est un vrai croyant ou non. D'accord? Donc en apparence il est musulman, mais est-ce qu'il est croyant réellement ou non? Allahu a'lam. Mais si tu dis de quelqu'un qu'il est mu'min, là ça implique que tu dis de lui qu'il est un vrai croyant. Hein? Et dans ce cas-là, ici, il a dit « Au muslim », il dit c'est-à-dire que cette personne-là, il laisse montrer de la foi ce que la fille esclave avait montré de la foi et plus encore. Donc il dit il faut faire la distinction entre les règles des croyants qui sont apparentes et celles sur lesquelles on se base pour établir le jugement par rapport à quelqu'un du fait qu'il est musulman dans la dunya. Mais dans l'au-delà, ça c'est un autre jugement. Le jugement dans l'au-delà, c'est celui sur lequel est relié la récompense ou le châtiment. D'accord? Donc ça veut dire que le fait de dire que quelqu'un est mu'min, des fois ça veut dire qu'il est muslim seulement. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est un vrai mu'min. D'accord? Donc, des fois, on peut désigner le musulman par mu'min. Ça veut dire la foi apparente. D'accord? Parce qu'en réalité, les ulama, ils ont expliqué que la religion, elle est de 3 degrés. L'islam, c'est la base qui comprend l'application des piliers, hein, les piliers de l'islam. Comme lorsque Jibril a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'est-ce que c'est l'islam? Il lui a mentionné les 5 piliers de l'islam. Après, il a mentionné al-iman, et ça c'est un degré supérieur. Et il a mentionné les 6 piliers de la foi. Puis ensuite, il lui a mentionné à propos de al-ihsan, et al-ihsan c'est un degré supérieur encore. D'accord? Et donc, C'est sûr que quelqu'un qui a l'ihsan, il a l'iman ou l'islam. Si quelqu'un il est mu'min, il a l'iman ou l'islam. Et si tu dis de quelqu'un qu'il est sur l'islam, ça implique qu'il a la base de la foi, mais pas nécessairement qu'il est parfait dans sa foi ou qu'il est complet dans sa foi. C'est dans ce sens-là ici que le cheikh il explique que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit de cette esclave qu'elle est croyante, ça ne veut pas dire ce que prétendent les murji'a. Parce que les murji'a, eux, ils prétendent que tout le monde est complet dans sa foi. Qu'il n'y a pas de différence entre une personne ou une autre dans la foi. Que la foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Tout le monde est complet et a une foi parfaite. Du moment que tu as la foi, tu as la foi est complète, tu as la foi parfaite, peu importe qu'est-ce que tu fais ou que tu fais pas de la religion. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, il ne prie pas, il ne jeûne pas, mais il a la foi dans son cœur, il est aussi croyant que le musulman qui prie 5 fois par jour, qui fait son jeûne du Ramadan, qui s'éloigne des péchés. Mais celui qui fait tous les péchés interdits et qui fait rien de qu'est-ce qui est obligatoire, lui aussi, il est aussi croyant que celui qui est obéissant à Allah. Parce qu'il n'y a pas de différence entre les gens dans la foi. Tout le monde a la même foi. Et la foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Et la foi, c'est quelque chose qui est fixe. Hein, qui est statique. Tout le monde a la même. Et c'est ça l'égarement du Murji'a. Puis dans ce hadith-là, il n'y a rien qui justifie cette position-là. D'accord? Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise d'elle qu'elle était mu'mina, ça ne veut pas dire qu'elle était d'une foi complète. Et il y a l'épreuve de ça dans plusieurs autres versets et hadiths aussi. Ala kulli hal, après. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps pour l'autre cours. Ça se pourrait que juste on va terminer cette partie-là, puis l'autre cours, on va laisser tomber pour aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour le faire, et puis ça vaut pas la peine dans ce cas-là. Ok, on va voir, inshallah. ومن ضعف عقيدتهم ومنهجهم يتعلقون بخيوط العنكبوت. Donc ça, on l'a lu. Après, le cheikh, il dit, « Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qala mu'mina, ayu iman. » Donc ça, on l'a lu aussi. Après, il dit, « Thumma nanzur, hal hadha l'insan tabbaqa ou lam yutabbiq. » Et dans le hadith al-sahih, « Umirtu an uqatila al-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu al-salah wa yu'tu al-zakah. » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله يعني لا يعلم ما في قلوبهم إلا الله يعني أعلنوا في الظاهر ونحن نكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى ونرقب هل قاموا بحق الإسلام أم لم يقوموا به إن قاموا به أثبتنا لهم الإيمان الكامل الظاهر والباطن فعملهم بالإسلام واعتقادهم الصحيح دليل على أنهم إن شاء الله مؤمنون ظاهرا وباطنا ولكن لا يلزم أن الحكم بإيمان الشخص المعين لقيامه بحق الإسلام أن يحكم أنه مؤمن ظاهرا وباطنا فهذا مرجعه إلى الله تبارك وتعالى الشاهد من هذا الحديث أن الشافعي رحمه الله على طريقة أهل السنة في الإيمان بعلو الله ولهذا احتج بهذا الحديث في باب الكفارة وهو في نفس الوقت يحتج به في قضايا علو الله تبارك وتعالى وإثبات صفاته ولا كلام آخر وأدلة تدل على أنه إمام وله كلام آخر وأدلة تدل على أنه إمام من أئمة السنة في باب الأسماء والصفات فهو يقول الذي ينكر صفات الله تقام عليه الحجة فإن رجع وتاب وإلا كفر على طريقة أهل السنة في أنه لا يكفر الواقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه وهذا نقله عنه الحافظ في فتح الباري ورأيت له نصوصا أخرى لا أستحضرها الآن أظنها والله أعلم في كتاب اجتماع جيوش الإسلامية لابن القيم وأظن هذا والله أعلم لأن عهدي به بعيد. فهذا إمام من أئمة الإسلام على طريقة أئمة السنة في الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى وأنه فوق سماواته على العرش استوى جل وعلا, أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله عز وجل. Donc le cheikh il explique et il dit ensuite une fois que on dit de quelque qu'il a dit de quelqu'un par exemple le prophète صلى الله عليه وسلم a dit bon c'est une croyante, est-ce qu'elle va appliquer la foi, est-ce qu'elle va ne pas l'appliquer, on ne sait pas, ça c'est quelque chose qui reste à voir, hein? C'est comme le hadith de Zayd, Usama ibn Zayd, quand il était en train de se combattre avec le mushrik, il se battait dans une bataille, puis un mushrik, hein, il tuait beaucoup de musulmans, finalement il est arrivé devant lui, et il a coupé sa main, Usama ibn Zayd, il a coupé sa main. Alors, ou bien c'est le mushrik qui a coupé une de ses mains, en tout cas, je ne me rappelle plus, un ou l'autre. Après, Usama ibn Zayd est venu pour arriver pour le frapper, pour le tuer. Et au moment où il allait le tuer, le mushrik a dit « Ashhadu an la ilaha illallah »« Ashhadu an la ilaha illallah » Alors le sahabi, Usama, il l'a tué quand même. Et on a ramené cette information au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était tellement en colère. Il a réprimandé Usama. Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire au jour de la résurrection avec la ilaha illallah? Qu'est-ce que tu vas faire au jour de la résurrection avec la ilaha illallah? Il a dit, oh messager d'Allah, il a juste dit ça pour se protéger. Hein? Il a dit ça seulement, la ilaha illallah, juste pour se protéger. Il n'est pas sincère. Il a dit, ashaqaqta an qalbi. Est-ce que tu avais ouvert son cœur pour savoir s'il était sincère ou non? Il a répété ça, il a répété ça, il a dit, il a répété tellement au point que j'ai commencé à souhaiter que je n'étais pas converti excepté aujourd'hui. C'est-à-dire, j'aurais souhaité que je n'avais pas eu cette erreur-là, hein, dans ma vie, que je n'avais pas fait cette erreur-là dans l'islam. Tout ça pour dire, yani, on le laisse partir, ce mushrik, au moment où il a dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, parce qu'on se base sur qu'est-ce qui est apparent, de qu'est-ce qu'il a prononcé du témoignage de la foi. Mais est-ce qu'il va être sincère après? Ben on va voir. S'il établit la salat, s'il fait la zakat, s'il renie l'adoration des idoles, on va savoir qu'il était vraiment un mu'min. Mais si par la suite, il retourne au shirk et au kufr, et il commence à délaisser les obligations, on va savoir qu'il n'était pas sincère. Mais sur le coup, sur le moment, on est obligé de se baser sur ce qui est apparent. Donc on va dire, oui, il est musulman. Hein? Et le hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le cheikh il mentionne ici, c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Omar. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat. Et une fois qu'ils auront fait cela, ils seront protégés contre moi dans leur vie et dans leur sang et leur bien. Excepté pour un des droits de l'islam. Et c'est à Allah que leur jugement appartient. C'est à Allah que leur jugement appartient. Donc le cheikh, il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est dans leur cœur. Du moment qu'eux, ils ont dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », ils ont fait la salat, ils donnent la zakat, le reste, c'est Allah qui va les juger. Nous, on ne sait pas le reste, qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur, est-ce qu'ils sont sincères ou non, ça c'est Allah qui sait. Mais nous, on se base sur qu'est-ce qui est apparent. Et donc, il dit, le cheikh ici, ils ont déclaré en apparence avoir l'islam, croire en l'islam, et leur intérieur, on le renvoie à Allah, hein. Il dit, nahnu nakillu sara'irahum ila Allah. C'est Allah qui va juger leur intérieur. C'est comme dans le verset, fa dhakkir fa innama anta mudhakkir lasta 'alayhim bimusaytir. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. يعني سي الله كي فالجوجي، إن علينا إيابهم وإن علينا حسابهم. سي الله كي فالجوجي leur cœur, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est Allah seulement qui sait. Donc nous, on regarde, est-ce qu'ils ont établi l'islam réellement ou non, hein? Et donc s'ils ont établi l'islam, on l'établit, on l'affirme, hein? On affirme la foi pour eux en apparence, ce qui est complet et parfait puisqu'ils l'ont appliqué en apparence. Donc on espère pour eux qu'il l'est également intérieurement. Et donc ils ont appliqué l'islam et ils ont cru en l'islam de façon authentique et correcte. Et on a vu la preuve de ça. Donc, ils appliquent la religion en apparence et intérieurement. Mais il dit, mais ça ne veut pas dire qu'on va juger de la croyance ou de la foi d'une personne en particulier parce qu'il applique l'islam en apparence, qu'il soit nécessairement croyant en apparence et intérieurement. C'est Allah qui sait réellement ce qu'il a dans son cœur. Hein? Il y avait des munafiqines à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils faisaient la salat avec lui, ils faisaient le djihad avec lui, hein? Et ils pratiquaient la religion. Et pourtant, c'était des munafiqines. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il savait que c'était des munafiqines. Et il ne jugeait pas. Il ne les jugeait pas selon qu'est-ce qu'ils savaient de qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur. Hein? Il les jugeait seulement selon ce qui était apparent. D'accord? Alors qu'il savait, parce que Allah lui a révélé l'identité de ces munafiqins. Il savait qui ils étaient. Et il savait que c'était des munafiqins. Mais quand il juge dans les affaires avec eux par rapport à la dunya, il ne les juge pas selon ce qu'il a de la révélation à leur sujet. Il les juge seulement selon ce qu'il a comme qui est apparent à ses yeux. Parce que s'il les juge selon la révélation, hein, il va dire, ceux-là sont des munafiqins, il faut les exécuter, c'est des kuffars. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, je ne veux pas que les gens disent que je tue mes compagnons. Les gens ne vont pas comprendre. Hein? Ils vont dire, ah, comment ça, ils tuent les musulmans? Non, c'est des munafiqins, ce n'est pas des musulmans. Mais les gens ne savent pas ça. Hein? Mais pour éviter, hein, que les gens disent ça, il les exécutait pas. Parce qu'ils ne jugeaient pas selon la révélation à leur sujet, dans le sens qu'ils ne jugeaient pas selon ce qu'ils savaient d'eux que Allah leur a révélé de leur état. Ils les jugeaient selon ce qui était apparent. D'accord? Et donc, c'est ça, il dit le cheikh en résumé par rapport à ce qu'il veut rapporter de ce hadith, de la parole de l'imam al-Shafi'i qui a été cité par As-Sabouni ici, rahimahullah, c'est que l'imam al-Shafi'i, il fait partie des imams, parmi les imams de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et il a donc affirmé, hein, la foi en l'élévation d'Allah et que Allah est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création. Et c'est pour cette raison-là qu'il a utilisé comme argument ce hadith dans le chapitre de l'expiation. Hein? Et en même temps, il l'utilise pour établir les preuves au sujet du fait que Allah est au-dessus de sa création et qu'il faut affirmer ses attributs. Et il a d'autres paroles également qui ont été mentionnées à ce sujet-là pour établir ce point de vue-là. Donc, on a la preuve qu'il fait partie des imams parmi les imams de la sunna. Il ne fait pas partie des gens de bid'a et des asha'ira. Hein? Malgré que la plupart des shafi'is aujourd'hui, si tu regardes leur position par rapport à la aqida, ils ont la aqida ash'ariya. Alors que l'imam al-shafi'i lui-même était sur la aqida des salaf, la aqida d'ahl sunnati wal jama'a. Et il affirmait les attributs d'Allah et il réfutait ceux qui reniaient les attributs d'Allah. Donc c'est la preuve que ces gens-là, ils prétendent suivre l'imam al-Shafi'i, mais ils ne le suivent pas réellement. Donc ils ne sont pas réellement sur la voie de l'imam al-Shafi'i. Parce que l'imam al-Shafi'i, c'était un salafi. Il était sur la aqida salafi. Hein. Et ensuite, le cheikh, il explique, il dit donc que... il dit... Donc, que ça, c'est la preuve que l'imam fait partie des imams des gens de la sunna au sujet des noms et des attributs d'Allah, et qu'il dit, celui qui renie les attributs d'Allah, il faut établir la preuve contre lui. Et s'il refuse, eh bien, il sera déclaré mécréant à ce sujet-là. Et il dit, Et ça, c'est la voie de Ahl-Sunnah. En général, les gens de la Sunna, c'est ça leur position. Ils ne déclarent pas quelqu'un comme étant mécréant, excepté après avoir établi sur lui la preuve. Hein? Donc, ils établissent la preuve sur la personne en lui montrant les versets et les hadiths et les arguments qui prouvent le principe. Et si la personne persiste à nier, alors là, à ce moment-là, les juges, ils vont déclarer que cette personne, elle est mécréante. Et il dit ça, c'est la position qui a été mentionnée également de l'imam al-Shafi'i, et ça a été cité par al-Hafiz ibn Hajar dans son charh de Kitab al-Bukhari, Fath al-Bari. Et il dit, j'ai vu d'autres narrations également à ce sujet-là. Il dit, mais je ne me souviens pas exactement à quel endroit je l'avais lu, soit dans le livre de Ibn al-Qayyim, Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya, ou bien un autre, mais il dit, ça fait longtemps que j'avais lu, donc je ne me souviens pas. Donc, ensuite, il dit que il est donc un imam, hein, parmi les imams de l'islam, et il suivait la voie des imams d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a au sujet du fait que Allah est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône. En ce qui concerne le comment, al-Kayfiyya, ça, il n'y a personne qui le sait. Personne qui sait comment Allah est élevé sur son trône, excepté Allah. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et au prochain cours, bi-ithnillah, on continuera la suite de l'explication de ces points-là. Il y a d'autres citations aussi à lire. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.